Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, auditeurs rageurs. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre n'est pas une sorte de spoken word déjà, Fabrice ? Bon, c'est pas suffisamment encore de phrasé pour qu'on puisse parler de spoken word. De spoken word, au départ, c'est plutôt une expérience live et immédiate qui se produit entre un poète ou un performeur et puis le public, la scène. Et puis ça, c'est un peu le sens, c'est un peu étendu. Et ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est de découvrir un peu cette étendue-là, puisque maintenant le spoken word englobe aussi bien le spectacle de poésie que le conte, la performance, que le rap, voire le dub et le slam. Voilà, en gros, le spoken word, c'est un texte qui est performé par un auteur devant un public ou éventuellement pas devant un public pour uniquement faire un disque. Et d'ailleurs, on va pouvoir entendre commencer tout de suite avec un spoken word de d'Alan Moore qui a été fait pour un disque qui s'appelle Snakes and Ladders en 2003 et avec Tim Perkins qui est le musicien qui l'accompagne. Il en est déjà à son cinquième ou sixième disque et il fait également des prestations scéniques qui ont l'air assez extraordinaires d'après les gens qui ont pu les voir et qui ont pu en témoigner. Alors quelques mots pour présenter Alan Moore, au cas où vous ne le connaîtriez pas, ce qui serait tout à fait inexcusable. Alan Moore, c'est un magicien, c'est un anarchiste, c'est un performeur, c'est un écrivain, et il est surtout connu pour être le plus grand scénariste de comics de tous les temps. Ça n'est pas une exagération, c'est ce que dit la rumeur publique partout dans la presse, sur internet. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire en tout cas qu'il jouit d'une stature qui est assez incontestée. Voilà, c'est l'auteur donc de quantité de comics dont quelques-uns ont été adaptés au cinéma, pour le plus grand malheur d'Alan Moore qui ne crédite absolument pas, qui se désengage même financièrement d'ailleurs de... C'est pas un homme véniel qui se désengage de ses adaptations. Donc, pour citer quelques titres pour ceux qui seraient intéressés, il a écrit des novels, des romans graphiques, on va dire. From Hell, qui était l'histoire de Jacques l'Éventreur. V pour Vendetta, qui a inspiré les masques que portent les Anonymous aujourd'hui, qui occupent Wall Street et qui font des actions sur Internet. Ou encore la série Top Ten, La Ligue des Gentlemen extraordinaire, Watchmen, je sais pas si je l'ai... Je crois que Watchmen, je l'ai, tu ne l'as pas dit. Je ne l'ai pas dit, alors que c'est quand même son... l'œuvre qu'il a consacrée, on va dire. Il y aurait beaucoup à dire sur Alan Moore, mais on va faire court et on va vous laisser avec ce morceau consacré à l'art et... à ces incidences magiques. Alan Moore et Tim Perkins. Imagination is a lovely quicksand without will to govern it, Silver alone will not suffice. It must have a purpose. It must be alloyed with gold. Alone our fantasies become a dismal opium, unhappy masturbations, the unfinished screenplay, the abandoned goal, a quagmire of sour fancy. Raised from mud to moon, we find we think, dream, have a personality. We start to wonder who this we is. Looking up, we squint into mysterious brilliance. We can't rest here. The DNA coil that we are snakes up through time, not space alone. Its tail drags in the plankton black of what we were. Its head strikes up at what we will be. Matter becomes aware, and then aware that it's aware, aware of mind. Next, in a universe of information, we glimpse meaning, glimpse a core of essence, we deduce a soul. This holy shimmer of significance is what is missing in Rossetti's poems after Lizzie Siddle's death, was there in those he buried with her, burning in each line, the ghostly, unrecoverable flame of art. Art, a fire ungraspable, cannot be shammed. It must be true, and more than this, be truth itself, a blood of light at meaning's heart. Art is the highest, the most rarefied of human works, and the most arduous. Beauty is easily imagined, but its realization will require a greater faculty, require long yards of golden toil. This path is steep. Hand over hand, we clamber upwards on the burnished chain of difficult ideas our snaking ladder has become towards a lucent stratosphere. Dream and determination must be wedded if the summit is to be achieved. The different metals of the sun and moon must plait together in a flawless braid. Our silver and our gold, one with the other, must be tempered, must become each other. Blood and gluten are exchanged as the white eagle trades its hue with the red lion. This is sex and transformation. This is alchemy, this uphill climb out of the squalls of personality that we believe ourselves to be into the essence that we know we are. As we ascend, our personal atmospheres begin to clarify. Fogs burned away by sun. The things we think we are dissolve. Our edges melt into the escalating brilliance. Our names fall from us like abandoned overcoats, along with all the habits, guilts and quarrels we have sewn like bricks into the hem, too hot and heavy for these altitudes. We strip away the underwear of our identity. Blushing and giggling, we pull our genders down around our ankles, and then naked, we climb on. The he and she of us become a limitation to our pleasure, sloughs away in favour of a more erotic possibility, the limitlessly horny intimacy, if we could become each other. Distinctive clothing of ourselves torn off, discarded in a careless heap, the staid and separate restraints of us abandoned in the urgent thrill of I. Male and female intertwined in a caduceus squirm, silver and gold fused in a dazzling metallurgic coitus. After the chemic wedding comes the chemic orgy. Sun marries moon. The fantasy is tempered in the deed. Rossetti brings another vision to completion. Frieda Harris finishes the serpents on the skirts of art. This sensuous rhythmic pouring from one vessel to another, a cascade between the mind and soul, between our individual brush fires and the single blaze of self. Truth of it touches the universal. Seeing art, we recognize a thought we had but could not utter, are made less alone, the eerie sense that there's just one of us. as species or as individual. These are our only stairs. No route save up into the brilliant haze. From past to future, every instant is a rung that we shall never tread again. In soul, dead matter is redeemed. Mute loam revealed as a receptacle of meaning. Deathless information endlessly reflecting in a stainless glass. And up, hand over hand along our shining fetter, up from flesh nailed by 4 points to matter, we are resurrected as a bliss of weightless code, a steam of language. It's April 10th. A church bell's reach from Easter. Cromwell, Lizzie, Siddle, all of us, dragged from the vaults of earth to see the sun again. And in its shining, we remember what we are. And by its waking rays, see what we've done while we have been asleep. And oh God, whose is all this blood? As species or as individual, we approach the moment when the lights go on, the point of comprehension and of revelation, of apocalypse. The sum of human information doubles ever faster, every 15 months and counting. The reaction at the core of us tips over into critical. Our crisis is approaching. Though it may be in the late Victorian pornographic sense, pulse racing, human history convulses, nearing orgasm. Keep climbing, up into lucidity, the world below monstrously visible from here. All our cathedrals, our rape camps and our crematoria. Don't cry, my love. Keep climbing. We are each other. Are the dead and living. We are Arthur Macken, and the odd thing is that when our wife died, it was we who went to heaven. We are Dante, Gabriel, Rossetti as they jemmy back the damp pine lid, and on the greening bones her hair like gorse fire still. And we will never write again. Don't fall. It seems we've struggled for so long. We've trampled on the backs of apes to clutch the muddied hems of angels. Don't let go. Don't slip. Don't falter. Now the meter of our feet grows swifter on the rungs. Keep rising. Up into the snow-blind glare. This is sex. This is alchemy. The rhythms in the loins and in the crucible become identical. Start slow and finish fast. Golds and silvers stirred together. Mind and motive, force and fancy. Male and female smelted to sublime hermaphrodite. We lift into the pulse and pour. Into the fuse and flow. Into the day. And it is now, and we are by this heat distilled, and it is now forever. And we step out in the white-hot streets of Sion, and in their radiance, we know ourselves. La nuit chez moi, je suis sur l'annuaire. vous téléphonez de 20h à 6h du matin parce que je ne voudrais pas être seul et vous m'appelez pour qu'on se branle par téléphone. Et on se branlera par téléphone, je vous donnerai du plaisir et après vous viendrez me baiser. D'accord ? Je voudrais me battre, tuer ces cons de riches et leur crever la gueule à coups de poing. Je mangeais et j'ai eu envie de pleurer. Le soleil jaunâtre de décembre irisait mes yeux verts. On se battrait pour les autres, pour que les châtrés, les paumés, les petits sans idéal, les ouvriers dans les usines retrouvent les grandes valeurs et les autres. Ils n'auraient pas peur du patron, du chef d'équipe. Ils se libéreraient, il y aurait l'autogestion. Ça serait comme avant après mai 68. Ils ne pensent qu'à eux, ces commerçants. C'est con. C'est très beau, c'est comme quand c'était Pompidou. Comme quand c'était les partouzes que faisait Pompidou. De toute façon, avec tous les ministres, avec toutes les femmes, avec Régine, avec tous les écrivains. Si c'est cela la femme, des grosses cuisses flasques, avec un trou béant, surmonté de poils noirs, j'avais peur devant la fascination de cet antre où ma couleuvre ne pourrait jamais se fourrer. Ma mère s'est suicidée il y a 6 ans d'un coup de revolver dans la bouche que mon père lui a porté parce qu'elle voulait pas être paralysée. Tu vois, c'est cela d'aimer. C'est être perdu sous la porte fortifiée avec toute la pluie derrière. Je veux vivre 120 ans. Je veux vivre 120 ans. Je veux vivre 120 ans. On se demande d'où vient cette motivation après tout, mais c'est, après tout ce qui vient d'être énuméré. Oui, c'est ça, hein, c'est ce malheur hurlé par Serge Turc sur un morceau de Sylvain Chauveau tiré de son premier album, Le Livre Noir du Capitalisme. C'était sorti chez Noise Museum à la toute fin des années 90. Serge T, oui, effectivement, c'est pas grand-chose. On a cherché un tout petit peu sur Internet et vraiment, ça n'a rien donné. Alors, appel aux auditeurs. Un appel aux auditeurs, voilà. Si vous voulez un petit peu continuer l'énumération de Serge Turc, vous aussi, éventuellement critiquer le capitalisme dont parle Sylvain Chauveau, dont Sylvain Chauveau trace un portrait assez noir sur son album. Bah écoutez, appelez-nous, hein, vous êtes les bienvenus. Mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Malheureusement, il n'y a pas de numéro de téléphone. Non, vous nous envoyez en fait un petit message sur le blog de l'émission. Voilà, Fabrice voulait rajouter quelque chose qu'il avait oublié tout à l'heure sur Alan Moore. Je voulais rajouter en fait plusieurs choses. D'une part, je réalise que oui, on a un forum sur le site de Rage, sur lequel vous pouvez nous laisser des messages. Ah oui, on a aussi un blog dont on a jusqu'ici pas donné l'adresse parce qu'il était un peu en rodage, mais maintenant ça y est, ça a l'air de fonctionner. Donc on va très officiellement vous donner l'adresse. Retenez-la bien. Alors attention, c'est parti. http://lebeaubizarre.blogspot.com/, évidemment. Oui, je voulais quelque chose que j'ai pas dit à propos du spoken word, c'est que dans la traduction, c'est quelque chose aussi qui, un peu comme le slam ou les challenges entre rappeurs, c'est quelque chose qui est aussi qui se prête assez à des échanges et à quelque chose de démocratique. Ce qu'on perçoit un peu dans le morceau de Sylvain Chauveau, puisque on sent que c'est quelqu'un qui appelle au téléphone et que oui, comme une sorte de tribune. Voilà, de tribune radio. Comme chez Daniel Mermet par exemple, pour donner un exemple. Et c'est quelque chose qui est important dans la tradition du spoken word. C'est vrai. Et voilà. Et ensuite, je pense savoir qui est ce Serge T. Ah. Alors, c'est pas la peine d'appeler. C'est le guitariste de Noir Désir, Serge Tessoguet. T, comme Tessoguet, bien sûr. Mais bien sûr. Qu'on va écouter. Alors, ça. Mais alors là, le scoop. qu'on va écouter tout de suite. C'était juste pour faire un enchaînement, hein, c'est pas lui. Il va nous appeler, il va pas être content peut-être. Non, non, non. Alors Serge Tchessoguet qui a fait un livre disque avec un autre guitariste, Mark Sands, et avec l'écrivain Lydie Salver. Ils ont fait une performance c'est une commande en fait de France Culture pour les rencontres du Festival d'Avignon. C'était en 2002, me semble-t-il. Et ils ont produit un livre disque qui s'appelle Contre, et le titre parle de lui-même. Vous en aurez un bon aperçu dans le morceau qu'on va écouter, qui est le morceau qui conclut leur prestation. Et je voulais vous signaler aussi que si ça vous plaît, donc il y a ce livre disque qui est sorti aux éditions Verticales. Ils ont aussi réédité l'expérience en 2006 avec un autre livre-disque qui s'appelait Dipassa. Et pour les fans de Bertrand Cantat a lui-même sorti un livre-disque aux éditions Verticales qui s'appelait Nous n'avons fait que fuir. Et enfin, je terminerai sur l'info que je voulais donner en tout début d'émission et que je suis un peu long, je m'en excuse. Mais non. Et que j'ai oublié de vous donner, c'est que, oui, Alan Moore, pourquoi Alan Moore en début d'émission? C'est parce que les éditions d'Argo viennent de sortir une biographie illustrée d'Alan Moore qui s'appelle, de manière très originale, Une biographie illustrée d'Alan Moore. Chapeau. Voilà. Et donc le livre est accompagné d'un CD, ce qui est, voilà, après c'est un peu cher, c'est 40 euros quand même. Mais c'est bientôt Noël. Oui, mais c'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël, donc ça peut se justifier. Voilà. Et pour l'instant, Lydie Salver, Serge Tessoguet et Marc Sens. Je rendais les plus mornes. Le ton déclamatoire ne me faisait pas peur. J'avais d'ailleurs quelques dispositions. Sortez de vos comas, leur dis-je, et revenez à vous. Vous n'êtes pas des faux. C'est à moi-même en vérité que je parlais, et c'est moi qu'ainsi j'exhortais. Vérifiez tout d'abord que vous n'êtes pas mort. Passionnez votre vie, accroissez votre souffle. Ne vous conformez pas aux images de vous. Ouvrez vos bras, fermez vos poings, refusez tout au monde. Ne cédez pas un pouce à qui vous avez mise. Inventoriez vos forces et dévouez-vous à vos colères, négligemment, dans la rage, selon les jours et votre humeur. Dites assez rigolé, dites je contre, je contre, je suis contre, contre les bras vengeurs, contre les féroces soldats, les armes, les armées, les marches pas, les marches droits, contre les lamentos, fussent-ils poétiques, les cœurs sanguinolents, les harpes pathétiques, et la pitié, cette putain, contre ceux qui nous brisent et que nous étreignons, contre nos vies ployées, contre. Contre les porcs qui les piétinent et les couacres repus qui les broient. Contre les oreillers qu'on nous plaque sur la gueule. Contre les promoteurs de paradis parfaits, l'ordure parfumée. Contre la veulerie infernale des foules. Contre ses ovations et ses retournements. Contre la mère remords, les rancœurs, les rancunes. Les tristesses pleurables qui mutilent la vie. Contre notre bêtise. Les enfants qu'on arme. La mort qu'on s'inflige, l'amour qu'on mesure avec parcimonie, une dose et suffit. Contre les sales servitudes devant quoi on se courbe, les laisses qu'on repeint de couleurs adorables, les rages étouffées qui se muent en poison. Les jolies paix promises auxquelles on fait croire, contre les sifflements qui accueillent les anges, contre tous les crachats jetés sur la beauté, contre les hargues d'octes et les joies foudroyées, le bonheur. vous êtes Adéco, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Air France, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Air Liquide, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Alcatel, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Alliance, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Alstom, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Altavis, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Altran, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes ArcelorMittal, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Arkema, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Avenir Télécom, vous êtes plus riche. Si vous êtes AXA, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes BIC, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Biomérieux, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes BNP Paribas, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Bolloré, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Bonduelle, vous êtes plus riche. Si vous êtes Bourbon, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Bouygues, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Veneto, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Canal Plus, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Capgemini, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Carrefour, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Christian Dior, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Ciment Français, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Club Méditerranée, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Crédit Agricole, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Dassault Systèmes, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Dexia, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes EADS, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Forestia, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Fimalac, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes France Télécom, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Caisse de France, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Danone, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Harmony Gold Mining, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Avac, vous êtes moins riche. Si vous êtes Hermès International, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Icade, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Iliad, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Ipsen, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Ipsos, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes JC Deco, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes L'Oréal, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Lafarge, vous êtes plus riche. Si vous êtes Lagardère, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Legrand, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes LVMH, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Maroc Télécom, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Michelin, vous êtes moins riche. Si vous êtes Natixis, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Nexity, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Energy Group, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Orco Property, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Page Jaune, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Pernod Ricard, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Peugeot SA, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Publicis, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Renault, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Fabia, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Safran, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Saint-Gobain, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Sanofi Aventis, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Schneider, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Seb, vous êtes moins riche. Si vous êtes Sequoia Capital, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes TF1 Télévision, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Thales, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Thomson, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Total, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Total Gabon, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Valeo, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Veolia, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Vinci, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Vivendi, vous êtes plus riche. Oui, si vous avez des actions, si vous avez des actions chez Canal Plus ou le Crédit Agricole, ne vendez pas le disque que vous en écoutez. Date de 2008. Les informations ne sont pas forcément à jour. Vous venez d'écouter Anne James Shetton, qui est un homme, c'est lui qui en entendait, accompagné à la guitare par Andy Moore, l'ancien guitariste de The X. Anne James Chayton, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, déborde d'activité, et pour ce qui nous concerne localement, c'est un des co-dirigeants du festival Sonorité à Montpellier. Voilà, il avait sorti un disque intitulé Le Journaliste, donc en 2008, dont on vient d'écouter un extrait qui s'intitule Vous êtes riche. Quelle belle promesse, Cédric, non? Ah oui, ça m'inspire beaucoup, hein. Je trouve ce titre formidable, et je vais me hâter d'écouter l'album. On va enchaîner, je crois, Alex, avec quelqu'un qui te tient à cœur, quand même. Quelqu'un qui me tient à cœur, oui, oui, tout à fait. Il s'agit de Jacques Bérocal, musicien français, nomade par excellence, qui enregistre à peu près sur tous les continents, commencé notamment au Népal. Enfin, toujours des espèces de voyages ethnographiques et qui sont aussi l'occasion de rencontrer des musiciens du cru et d'enregistrer comme ça des moments assez, assez décalés, surréalistes. Et le morceau qu'on va écouter ce soir, c'est Satanic Prayer, donc sur un texte, musique électronique, sur un texte de lui, entre poésie, beat et un petit peu délire gothique. Eh bien, c'est parti pour Jacques Bérocal. Des diodes et des frontières célestes, bel archange, qu'à jamais ton nom soit sanctifié, qu'à jamais. Et de nos sacrifices d'albâtre, qu'enfin s'effacent les promesses hypocrites, comme l'absente morphine au ciel des carrelages. Donne-nous à chacun ta part de venin, aux confins de nos veines, un essaim de crotal, transistor lumineux. Transparent, féminin, flanqué d'étaïrs jouant les prétoriennes, nous cherchons dans ta nuit une idée, une route. Conduis-nous. Conduis-nous, mais toujours sous la voûte étoilée, accompagné de frères aux lèvres noires, trompettes saturées à la lèpre des murs, par l'ombre cistercienne d'un Christ diaphane. Sur vos stèles effritées, nous irons, regard affamé de cataractes pourpres. Treillis de fleurs sauvages s'ouvrant-elles des vigies, 300 000 volts à pervalène, bercés par l'ondée de nos sœurs des ténèbres, de leur cathédrale souterraine. Par la grâce des diodes et des frontières célestes, bel archange, qu'à jamais ton nom soit sanctifié, qu'à jamais. Prince de cendre, rien n'est plus beau que d'entrer à ton service. Rien n'est plus beau. Plus grande encore, ouvre-nous les vannes de la dépravation jusqu'au crime inconnu aux enfers. Conduis-nous. Conduis-nous. Ah, te voir gicler des lames comme un éclair. Et toi qui coules en moi à ma gorge perdue. Se sentir blessé à tes divines flammes. Constellé de cicatrices, se sentir. Se sentir. Et puis... se sentir sourdement outragé d'une étrange fatigue, par un soir chantilly, toute gare éteinte, monarque chevauchant crevasse et gerçure, en ton royaume nous irons, en ton royaume, asphalte du bout des mondes, si d'autres villes meurent, d'autres villes poussent. Père, on y a, ce qu'il y a, ce crow. Par la grâce des diodes et des frontières célestes, bel archange, qu'à jamais ton nom soit sanctifié, qu'à jamais. Et de nos sacristies d'Albâtre, qu'enfin se fassent les promesses hypocrites, comme l'absente morphine au ciel des carrelages. Par la grâce des diodes et des frontières célestes, qu'à jamais ton nom soit sanctifié, qu'à jamais. Okay. Tika Totichio Tu. Un spoken word japonisant d'un groupe normand. Déficit des années antérieures, ce titre, c'est Blank Flood sur l'album Action and Japanese Demonstration. Alors on est en 1982 et la fascination pour le Japon bat son plein. Et DDA nous livre ici une musique pseudo-ethnique, puisque c'est absolument pas du tout ethnique en fait, si on prend... pour définition, en fait, l'idée d'enregistrement de musique tribale ou venue d'ethnie extérieure à l'Occident, c'est complètement créé par le groupe, inventé, et c'est assez fascinant justement pour ça. Il y a un côté factice, mais en même temps, on voyage beaucoup en écoutant ce groupe qui a développé une sorte de concept d'anti-musique particulièrement réussi. On va enchaîner, Alex, avec... Alors oui, un beau folklore imaginaire DDA. Et on enchaîne avec Brian Gizin. Alors on parlait tout à l'heure de tradition beat un petit peu avec Jack Berrocal. Bon, mais là on est en plein dedans. Ce sont des textes qui ont été récupérés par le musicien Ramon Chomata, assez connu pour avoir travaillé avec Ali Medeiros notamment. Texte donc récupéré par Ramon Chomata, mis en musique par lui. Et là, il s'agit d'un texte vraiment très très étrange qui traite de d'une espèce de porte mystique qui amènerait vers une dream machine. C'était sorti les portes de la perception. Les portes de la perception. Jim Morrison aussi, bah bien sûr, le parallèle peut être fait. C'est tiré d'un album qui était sorti chez Kramed au milieu des années 1990, qui est malheureusement maintenant épuisé. Enfin, je vous conseille de le chercher sur internet. En tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus. First thing was to get back into the damned hotel, and that wasn't easy. Not that the narrow street door was closed tight. On the contrary, it hung slightly ajar. When is a door not a door? When it's a portal. This particular door of the dead looked a bit crazy to me, unhinged. The posts of the door sloped in, giving it an Egyptian cast to its narrow shoulders. It looked like it shot its bolts a long time ago. So I give it one good swift kick and it groans, "Ow! Ouch!" Then I give it a shove with my shoulder, but it won't even budge. "Fuck off," growl the bolts of the door. "Who the shit do you think you're shoving?" "Let me in," I cry. Open up, sesame. "Skedaddle," it snarls. 23 skidoo and scram. You can't come in unless you give me your name, your real, true, secret name and no other. Orders is orders, no shit. "But I've been in there already," I object. "I've been in the bistro and Madame Rachou." "Not the same thing," snaps the locks of the door. "When the bistro is open, anyone, almost anyone, can walk in off the street. But passing the post of my portal ain't all that easy." "But the bistro is shut," I wail. "Tight as a crab's ass," the entrance assures me. "But Madame Rachou said..." "We don't care what Madame Rachou said," groans the post of the portal. "If you really want to get in there, just tell me your name and be done with it. It's getting late and we're tired hanging out here." "But Madame Rachou," I began again. "Madame Rachou," insists the door with a deep sigh. "Rachou, Barshou," I cry wildly. "What's in a name anyway?" "Plenty," grates the door grimly. "Plenty. Don't you want to tell me your name? You ashamed of it, maybe?" "No, I'm not ashamed," I shout. "It's just that my name always causes me all sorts of trouble." "Ain't it the truth?" sighs the door sadly. "Me too. You'd be surprised and shocked. Some of the things I've been called, I'm used to it now. Don't bother me no more. Come on, tell me your name. Make things easy for yourself, why don't you?" "I don't know," I admit. "Maybe I don't even know my real name, just a number. Why don't you help me?" "Help yourself. If you don't know your real name, and you don't know house rules and regulations about this kind of door, how can I help you? Where you been all your life? California? You a Westerner?" "Yes, I guess so." "Guessing don't do nobody no good. Well, when Madame Rachou shuts down her bistro and turns off the lights, guests gotta give name and room number before I let him pass my portal." "Is that supposed to be an ancient Egyptian accent you're trying to put on for my benefit?" "Yeah. Smart, eh? You read the Egyptian Book of the Dead?" "I thought so." "Oh, I didn't really study it or learn it by heart. I didn't take a course in it. I just read at it, if you know what I mean." "I do. I sure do. I most certainly do. Heady stuff, eh?" "Heady? Well, I don't know about heady. You mean that as a pun, perhaps?" "What I mean is for lightweights, not for headlights. You get me?" "Don't know that I do." "Are you bullying me? Can't you see I'm out here in the cold freaking out and I need a hot bath?" "Yeah," sniffs the door, "obviously. If you mean that I smell bad, you do. All dead people do, but I like it. I'm kinky that way. It's only normal." "I'm as alive as you are," I scream. "I don't want to take any more of this shit from you." "Shut up and stop screaming, will you? Next thing we know, y'all be waking the dead, scaring the neighbors. Can it, will you? Look here, let me tell you. You see me? I'm really freaking out too. I'm that lonely. Let's put it this way. I want a piece, and you want a piece, and I want you only. You follow me? Beats me, but it does sound familiar. What kind of proposition is this? Anyway, I don't choose to understand you. I don't understand myself sometimes, let me tell you. Does that make you feel better? He creaks slyly with this shit-eater's grin he has. I make him for a junkie. Have you been drinking or smoking or sniffing or shooting some substance? I ask him. Just taking what comes naturally, like you, for instance. How did I know you'd be coming along tonight, one, to get into me? Say, you're making a big thing of this. And why not? The richest little boy in the whole world don't come along every night trying to get into me. I don't much like the turn this conversation seems to be taking sexually. I can't follow you, don't want to. Don't come on so intellectual. I'm telling you, I'm lonely. I'm a soft touch. Why don't you touch me? Just cuddle up to me. You'll soon see I'm hot stuff. You know how it is. Out here all night alone, I get kind of horny. In my day, I see lots of young boys, beautiful young boys like you, take their cocks out and piss on me. That's what I like. Golden showers. Why don't you try me? I guess I would if I had to take a piss, but I don't. Not anymore since my accident. Just take it out anyways and let me see it, poor old soul. Old soul, did you say? Why, that's my real name, isn't it? I didn't even know it. Old soul. Say, that's crazy. That's what Uklut's mother always said I was, an old soul. Yeah, that's what our records say too. She named you. Ooh, so I can come in now and flake out in room one, can I? Come in and proceed to the end of the hall. On your left, you will find the door to the baths. Don't mind that Arab family slaughtering a sheep in there in the showers. They won't hurt you. I don't want to slaughter a sheep or take a shower or anything. I just want to get into bed in room one like Madam told me. Nobody can flake out without taking a bath first. Do what I say. Enter my portals, mortal. Since space, holy the fourth dimension, holy the fifth international. National Holiday Angel in Moloch. Holy the sea, holy the desert, holy the rainbow, holy the locomotive, holy the visions, holy the hallucinations, holy the miracles, holy the idol, holy the abyss, holy forgiveness, mercy, charity, faith, holy powers, bodies, suffering, magnanimity, holy the supernatural, extra brilliant, intelligent kindness of the soul. Bon alors, Fabrice, quelques mots sur ce grand personnage de la contre-culture américaine. Oui, Allen Ginsberg, Kronos Quartet, Footnote to Hall, enregistré en 95, mais surtout écrit en 55 dans un café californien. C'est un texte qui est devenu une des œuvres majeures de la beat génération. Et on va vous laisser sur cette œuvre majeure. Ça semble de bonne aloi. Et vous donnez rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Pour une émission non thématique. Exactement. Salut à tous. Allez, au revoir. Bonne nuit à tous. Thank you.